Il y a des belles voitures qui arrivent là. Ça devient rigolo. Bon, monsieur dans un beau SUV qui a pas l'air très content d'être bloqué. Et c'est terminé, c'est bloqué dorénavant l'entrée de l'hôpital. Un petit peu, on va ralentir un petit peu. On espère que on va réussir à envahir un petit peu la rue, que les gens se mettent pour bloquer plus sérieusement le carrefour qui est devant. Puis voilà, les gens vont commencer à se lever, il va y avoir plus de voitures dans les rues. Ça devrait être un peu plus sérieux. Là, l'idée, c'était de laisser passer les collègues du matin, voilà. Pour que nos collègues de nuit puissent enfin repartir chez eux. Ouais. Et ça continue la tournée de récupération des sapins abandonnés dans les rues. Toutes les demi-heures, il y a une nouvelle cargaison de sapins qui arrive. C'est bien, vous avez apporté un peu d'ambiance musicale. Comment ? Ouais, c'est vous ça. Avez apporté un peu d'ambiance, c'est cool. Tout à fait. On essaye. Vous êtes étudiant en oui, sociologie. En socio ? Ah oui. C'est première année de master. Ok, à Mont-Saint-Aignan ? C'est ça. Ceux qui ont demandé à appeler, annuler les examens, ouais, compte tenu du mouvement social. La solidarité puisse, avec les profs. Parce qu'il y a la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et les plus impactés, c'est les vacataires, justement, parce qu'ils sont payés au lance-pierre. C'est assez difficile à gérer pour eux de faire cours et en même temps tenir la recherche. Ils ont de plus en plus de contraintes, donc on les soutient. On soutient aussi le mouvement social contre la réforme des retraites parce que, bah, mine de rien, ça nous concerne, même si ça nous paraît encore très abstrait. Et aussi parce que tenir les examens avec ces conditions, les grèves de transport, les reports d'examen pendant les grandes grèves, les journées de grandes grèves, ça pose beaucoup de stress aux étudiants et c'est pas tenable, vraiment pas tenable. Donc on appelle aux autres UFR et aux autres étudiants d'adopter notre démarche et de se poser la question sur la légitimité de tenir des examens compte tenu du mouvement social. Étudier en 2020, c'est un peu un sport de combat, quoi. Il faut alterner avec des moments sur des blocages à 6h du matin, des révisions. Les révisions, la précarité étudiante, le mouvement social qu'il faut soutenir, enfin, il y a plein de choses. Donc on est un peu polyvalent, on va dire, là, en ce moment. Et du coup, sur Mont-Saint-Aignan, vous sentez que ça prend un peu ou c'est dur ou c'est comment ? Difficilement. Pour l'instant, on a déjà réussi à mobiliser notre promo de master, c'est déjà bien. Mais quand on a essayé de faire partager l'information aux autres promos, là, c'est plus difficile. Ils sont plus concernés par leurs examens. Ça peut se comprendre, sauf que là, on est tous dans cette condition de précarité. Je pense qu'il faut se rebeller, pas simplement accepter des conditions auxquelles on ne peut pas se soumettre, quoi. Tu veux dire quelque chose ? Comme l'a dit Aurélien, notre promotion a voté à l'unanimité de ne pas se présenter aux examens et de refuser de les passer tant que la situation ne sera pas stabilisée. Et on a voté également de rentrer pleinement dans le mouvement social et de participer aux différentes actions qui peuvent avoir lieu. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là. Pour le département de sociologie, la mobilisation commence à prendre un peu d'ampleur. Mais pour ce qui est des autres départements, dans l'Assemblée générale d'hier, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'autres étudiants, même s'il y avait pas mal de profs de lettres et sciences humaines et quelques profs de sciences, mais qui sont un peu désœuvrés aussi, surtout les profs de sciences, devant l'inaction de leurs étudiants. Et en même temps, ça peut aussi se comprendre dans le sens où c'est la période la plus stressante pour nous de passer les examens, etc. Et c'est aussi là-dessus que joue le président d'université en se disant que voilà, on va pas pouvoir se mobiliser puisqu'on va préférer passer nos examens. Vos prénoms, c'est quoi ? Nolwenn. Hugo. Aurélien. Roman. Merci. Merci beaucoup.